السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. Donc je vous donne le programme pour aujourd'hui inshallah ta'ala. Premier lieu, on va s'attacher à finir le chapitre de Kitab Tawhid qu'on avait commencé, et on n'aura pas beaucoup à faire inshallah, parce que je pense qu'il restait un verset et un hadith, le verset de Sourat al-Baqara et le hadith dans Sahih Muslim. Ensuite, Inch'Allah, on va lire et traduire une admonition qui a été donnée et faite par Cheikh Azhar Saniqra parmi les mashaykhs salafis d'Algérie. Hafidahullah ta'ala et hafidahumullah jami'an, qu'Allah préserve tous les shuyukh d'Algérie ainsi que tous les shuyukh de la Sunna à travers le monde. Qui est judicieuse parce qu'il l'a fait juste avant le ramadan et que ça a trait à ce qui touche le ramadan et surtout au Coran pendant le mois de ramadan. Et elle a pour titre justement une sunna délaissée à faire revivre pendant le mois de ramadan. Ça c'est de Cheikh Azhar Saniqra, hafidahullah ta'ala. Après, incha'Allah ta'ala, on va lire aussi un rappel que j'avais déjà fait il y a quelques années mais qui est toujours d'actualité. Qui a pour titre, qui est disponible sur notre site aussi en PDF, comment lire le Coran pendant le Ramadan. Encore une fois sur le Coran pendant le Ramadan. Wa huwa shahrul Quran. Et c'est le mois du Coran, yarhamukallah. Et là on va citer Cheikh Ahmed ben Yahya al-Najmi rahimahullah ta'ala et Cheikh Mohammed ben Hadi al-Madkhali hafidahullah ta'ala. Ensuite, on va terminer par ça inshallah sur le fait de passer du temps à la mosquée pendant le ramadan. Et on va voir une nasiha par rapport à ça de Cheikh Abdel Qadir Al-Junaid, parmi les mashaykhs actuels en Arabie Saoudite, qui enseigne notamment sur le site Miraf. Donc ça c'est pour le programme. Et donc on est arrivé à la parole de l'auteur dans Al-Mulakhas fi Sharh Kitab Al-Tawhid de Cheikh Al-Fawzan, qui est une explication, ou plus ou moins, plutôt un résumé explicatif du livre d'unicité. Et on a été arrivé, et c'est vous qui allez me dire la réponse, à quel chapitre? Ahsant, Bab Tafsir. Bab Tafsir. Bab. Bab Tafsir. C'est important, vous allez voir pourquoi aujourd'hui. Déjà pour qu'on garde le suivi, parce que le hadith, le verset qu'on va citer aujourd'hui, inshallah, et le hadith sont des preuves pourquoi, par rapport à ce chapitre. Il faut savoir de quoi on parle, déjà de un, et de deux, on va voir qu'à la fin, il va dire que l'explication de cela arrive justement dans les chapitres qui vont suivre. Et donc l'auteur qui est Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, et pour les frères et les sœurs qui n'étaient pas là au premier dars, où on a fait une biographie succincte de cet imam, Cheikh al-Islam, rahimahullah ta'ala, il est disponible en PDF, dans notre premier PDF, et dans le premier audio aussi, qui est disponible sur notre site spfbirmingham.com. Donc Cheikh al-Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il dit, « Wa qawlihi ta'ala » ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. L'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab, qu'Allah lui fasse miséricorde, il dit: et de sa parole, dont la traduction rapprochée du sens, c'est-à-dire la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les hommes avec un grand H, il en est qui prennent en dehors d'Allah des égaux à lui, en les aimant comme on aime Allah. Or les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah. Quand les injustes verront le châtiment, ils sauront que la force tout entière est à Allah et qu'Allah est dur en châtiment. Sourate al-Baqara, verset 165. Par rapport à cela, nous avons l'explication du très savant Cheikh Salih ibn Fawzan, ibn Abdillah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, qui dit « Minan nas » à son habitude, il explique certains termes, puis le sens général du verset, puis le rapport entre le verset et le chapitre, puis ce que l'on tire comme bénéfice du verset. Donc, minan nas, fariqun minan nas. Minan nas, parmi les hommes, avec un grand H encore une fois, eh bien c'est une partie des hommes. Min dunillah, ay ghayr Allah. Min dunillah, en dehors d'Allah, c'est-à-dire autre que Allah. Autre qu'Allah. Andada, ay amfalan wa nudara. Andada, le pluriel de nid, c'est des égaux, et c'est-à-dire des semblables et des pareils. يحبونهم المحبة إرادة ما تراه أو تظنه خيرا والرغبة فيه يحبونهم les aimants. L'amour, المحبة, c'est de vouloir ce que tu vois ou que tu penses être un bien et le désirer. كحب الله أي يسوونهم به في المحبة المقتضية للذل للمحبوب والخضوع له. كحب الله comme on aime Allah, c'est-à-dire qu'il les place au même niveau qu'Allah dans l'amour. Quel amour? L'amour qui implique de se soumettre à l'aimer et de s'asservir à lui. ولو يرى لو يعلم ولو يرى, et lorsqu'ils verront, c'est-à-dire et lorsqu'ils sauront. إذ يرون العذاب وقت ما يعاينونه إذ يرون العذاب lorsqu'ils verront le châtiment, c'est-à-dire au moment où ils le verront de leurs yeux. أن القوة لله لأن القدرة والغلبة له وحده. أن القوة لله, que la force tout entière est à Allah, que la capacité et la suprématie sont à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Le sens général du verset, de quel verset? De surat al-Baqara, verset 165. Le sens général de l'aya, ذكر الله سبحانه وتعالى حال المشركين به في الدنيا ومآلهم في الآخرة حيث جعلوا لله أمثالا ونظراء ساووهم به المحبة. Peut-être Sawab, c'est ici peut-être qu'il y a une faute de frappe, c'est fil mahabba. Parce qu'ici il est marqué bihil mahabbati. Vous avez la même chose ou pas? Al-andad, li-andadi, thumma dhakara hal al-mu'minin, al-muwahhidin, annahum yuhibbun Allah hubban, yafuqu hubba ashab al-andadi li-andadihim, ou yafuqu hubba ashab al-andadi lillah, li-anna hubba al-mu'minin lillahi khalis. وحب أصحاب الأنداد لله مشترك ثم توعد هؤلاء المشركين به بأنهم لو علموا ما يعاينون يوم القيامة وما يحل بهم من الأمر الفظيع والعذاب الشديد على شركهم وتفرد الله سبحانه بالقدرة والغلبة دون أندادهم لانتهوا عما هم فيه من الضلال لكنهم لم يتصوروا ذلك ويؤمنوا به. Qu'est-ce que nous dit le noble Cheikh Salafi, Cheikh Salih bin Fawzan, bin Abdullah al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit le sens général du verset de Surat al-Baqara, verset 165. Allah le Très-Haut fait mention de la situation des associateurs al-Mushrikoun dans ce bas monde et de leur fin dans l'au-delà. Car ils ont donné à Allah des égaux et des semblables qu'ils ont placés à l'égal d'Allah dans l'amour. Puis il fait mention de la situation des croyants qui sont sur l'unicité. Et c'est cette situation, c'est-à-dire qu'ils aiment Allah d'un amour qui est supérieur à l'amour pour leurs égaux, de ceux qui donnent Allah des égaux. Ou, on avait parlé de ça dans le cours précédent, ou qui est supérieur à l'amour pour Allah de ceux qui lui donnent des égaux. Car l'amour des croyants pour Allah est pur, sincère. Et l'amour de ceux qui donnent des égaux à Allah est partagé. Puis il, subhanahu wa ta'ala, a menacé ses associateurs que s'ils savaient ce qu'ils vont voir de leurs yeux, le jour du jugement dernier, et ce qui va leur arriver de terrible, et comme châtiment sévère en raison de leur association, et s'ils savaient que la capacité et la suprématie appartiennent à Allah seul, et pas à leurs égaux, ils auraient arrêté l'égarement dans lequel ils sont. Mais ils ne se sont pas représentés cela et ils n'y ont pas cru. مناسبه الايه للباب باب تفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله انها من النصوص المبينه لتفسير التوحيد وشهاده ان لا اله الا الله حيث دلت على ان من اتخذ ندا مع الله يحبه كمحبه الله فقد اشرك فعلم ان معنى التوحيد ان يفرد الرب بهذه المحبه التي تستلزم إخلاص العبادة له وحده والذل والخضوع له وحده. Cheikh Al-Fawzan, حفظه الله تعالى, il dit, et il montre le rapport entre ce verset de Sourate Al-Baqarah qu'on a cité comme preuve pour ce chapitre, ou dans ce chapitre, et bien il rapporte le rapport entre le verset et le chapitre. Ou si vous voulez, un autre mot que rapport, le munasaba, c'est le caractère opportun de cette preuve par rapport à ce chapitre. C'est le rapport entre le verset et le chapitre et que ce verset fait partie des textes qui clarifient, expliquent l'unicité et l'attestation que la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Car ce verset indique que celui qui donne un égal à Allah, l'aimant comme il aime Allah, aura associé. Et donc on sait que le sens de l'unicité est que soit voué de manière exclusive au Seigneur cet amour qui rend obligatoire la sincérité dans l'adoration d'Allah seul et l'humilité envers lui seul ainsi que la soumission à lui seul, subhanahu wa ta'ala. Ce que l'on tire comme bénéfice du verset de Surat Al-Baqarah, verset 165, et on va en tirer, incha'Allah, 4 que Cheikh Al-Fawzan a cité qu'on va traduire. ما يستفاد من الآية أي من آية سورة البقرة أولا أن من معنى التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله إفراد الله تعالى بالمحبة المقتضية للذل والخضوع. Le premier bénéfice qu'on tire de ce verset de sourate al-Baqarah, c'est que fait partie du sens de l'unicité et de l'attestation que la ilaha illallah, c'est-à-dire nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, de vouer l'amour à Allah de manière exclusive. Cet amour impliquant l'humilité et la soumission. الذل والخضوع. Deuxième bénéfice, أن المشركين يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم ذلك في الإسلام لأنهم أشركوا معه غيره فيها. Le deuxième bénéfice qu'on tire de ce verset de sourate Al-Baqarah, les associateurs aiment Allah d'un grand amour, mais cela ne les a pas fait entrer en islam, car ils lui ont associé dans cet amour autre que lui, subhanahu wa ta'ala. Troisième point, الفائدة الثالثة, أن الشرك ظلم. L'association est une injustice. Quatrième point, الوعيد للمشركين يوم القيامة. La menace pour les associateurs le jour de la résurrection. On a fini avec cela, le verset de Sourate Al-Baqarah et ce qui a trait à ce verset. Et on continue la parole de l'auteur qui est Cheikh Al-Islam Muhammad ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala qui dit: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم, et on va voir que c'est صحيح مسلم, أنه قال: وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله هي عز وجل. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. Donc Cheikh l'Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et dans l'authentique, on va voir dans un instant que c'est l'authentique de Muslim, il a été rapporté ici dans le Musnad de l'imam Ahmad. Et dans l'authentique d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit, quiconque dit la ilaha illallah, dans le sens, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah, et mes croix, vous avez l'importance d'ici, et mes croix, en ce qui est adoré en dehors d'Allah, ses biens et son sang sont protégés. Et son jugement revient à Allah le Très-Haut. Puis, cher l'Islam, Mohammed ibn al-Wahhab, rahimahullah ta'ala, il continue en disant, et l'explication de ce titre, de chapitre, qui est quoi ? Bab tafsir at-tawhid wa shahadati an la ilaha illallah. Chapitre de l'explication de l'unicité et de l'attestation que la ilaha illallah, c'est-à-dire que nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et bien, tout cela, l'explication de ce titre de chapitre, est dans ce qui est après lui comme chapitre. Qu'est-ce que ça veut dire cette parole de Cheikh al-Islam Mohammed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala ? Et qu'est-ce qu'on va tirer de ce hadith ? يقول شيخ الشيخ العلامة السلفي شيخ الفوزان ابن فوزان بن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى وفي الصحيح أي صحيح مسلم في الصحيح dans l'authentique c'est-à-dire l'authentique de مسلم حرم ماله ودمه أي منع أخذ ماله وقتله بناء على ما ظهر منه حرم ماله ودمه ses biens et son sang sont protégés, c'est-à-dire qu'il est interdit de prendre ses biens et de le tuer eu égard à ce qui apparaît de lui. وحسابه على الله أي الله تعالى هو الذي يتولى حساب من تلفظ بهذه الكلمة فيجازيه على حسب نيته واعتقاده وحسابه على الله et son jugement revient à Allah, c'est-à-dire que c'est Allah le Très Haut qui se charge du jugement de celui qui a prononcé cette parole et donc le rétribuera en fonction de son intention et de sa croyance. Très important point ici, on va parler peut-être un peu plus tard si on a le temps et réfuter un peu le khawarij al-dullal parmi الضلال دي جبهة نصرة داعش. الترجمة ترجمة الكتاب والباب فاتحته والمراد بها هنا قوله باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. الترجمة ترجمة الكتاب والباب, le titre du livre et du chapitre Fatihatuhu, son ouverture. Et le sens ici de sa parole est le chapitre de l'explication de l'unicité et de l'attestation que la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et c'est un mot que vous avez peut-être déjà entendu quand on parle du Sahih al-Bukhari, on dit Fiqh al-Bukhari fi tarajumihi. Le Fiqh al-Bukhari, vous le trouvez dans les titres de ces chapitres, tarajum. Et d'ailleurs, Cheikh Saleh Ali Cheikh, il dit que les mashaykh, ils ont comparé Kitab al-Tawhid à Sahih al-Bukhari. Ce sont des titres de chapitres avec beaucoup d'adillah. Dans son explication de al-Tamhid de Kitab al-Tawhid. Le sens général du hadith, le ma'na al-ijmali du hadith, يبين صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه لا يحرم قتل الإنسان وأخذ ماله إلا بمجموع أمرين. Le prophète صلى الله عليه وسلم clarifie dans ce hadith qu'il n'est illicite de tuer un individu et de prendre ses biens qu'avec la réunion de deux choses. Évidemment, encore une fois, et on le dit, on le redit, ça, ce genre d'ahkam, ça revient à Oulat al-Umur, ça revient aux gens qui détiennent le commandement et à ceux qu'ils ont placés en charge. Dans un cadre juridique, islamique, et pas le fawda comme le font beaucoup de gens qui ne comprennent pas ce genre de ahkam. Donc je répète cette phrase, elle est importante. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam clarifie dans ce hadith qu'il n'est illicite de tuer un individu et de prendre ses biens qu'avec la réunion de deux choses. Al-awwal, l'amr al-awwal, qawlu la ilaha illallah. Le premier, dire la parole la ilaha illallah. Nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Al-amr al-thani, الكفر بما يعبد من دون الله. La deuxième chose, mais croire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. فإذا وجد هذان الأمران وجب الكف عنه ظاهرا وتفويض باطنه إلى الله فإن كان صادقا في قلبه جازاه بجنات النعيم طلع عز وجل جعلنا منهم وإن كان منافقا عذبه العذاب الأليم نعوذ بالله من ذلك وأما في الدنيا فالحكم على الظاهر. Et donc, si ces deux choses sont présentes, c'est-à-dire de dire la parole « La ilaha illallah » et de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah, eh bien, il est alors obligatoire de s'abstenir à son sujet et de laisser ce qu'il a dans son fort intérieur à Allah. Et donc, s'il est véridique dans son cœur, il le rétribuera par les jardins de délices et s'il est hypocrite, il le châtiera du châtiment douloureux. Quant à ce bas monde, le jugement est en fonction de ce qui est apparent. Contrairement, et ce n'est pas une incitation à voir des vidéos, mais il arrive, et il est connu que dans certaines vidéos où on voit un tekfiri, hein, en Syrie, égorger quelqu'un qui a l'air musulman, qui est habillé comme musulman, qui dit « La ilaha illallah » et qui l'égorge ou qui l'abat avec un pistolet, et que quand on lui reproche cela, qu'est-ce qu'il dit ? Il n'a dit cela que pour se protéger de la mort. Par quel hadith on lui répond ? Le hadith de qui ? Ah, hein ? Ahsan, tout simplement, Zayd, qu'elle a dit, « Hala shakrata an qalbi ?» Comme on l'a vu dans l'imam Nawawi, dans Sahih Muslim, il avait dit, hein ?« Hala qalaha bi qalbi ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il a dit, « Am qalaha am la ?» C'est-à-dire, est-ce qu'il l'a dit avec de son cœur ou pas ? Nous, on ne peut pas savoir ça, ce n'est pas notre ressort. On ne peut pas juger les intentions des gens. On ne peut que juger en fonction de ce qui est apparent des gens. Yani comme la vie, elle est rachis à ces gens-là. Yani ils tuent comme rien. Ils en sont tellement contents qu'ils les mettent sur les réseaux sociaux. Hein? Et certains, ils ont des fils de gens devant eux. Ils les abattent un par un. Ils ont des fils, des longues fils qui passent devant eux. Hein? Et chacun, il lui met une balle dans la tête et il le jette dans la rivière ou d'autres choses qui sont connues qu'ils font, etc. On revient à la parole de Cheikh Al-Fawzan, hafidahullah. Quant à ce bas monde, le jugement est en fonction de ce qui est apparent. Maintenant, le rapport entre ce hadith, le hadith de Sahih Muslim, et le chapitre, ou le caractère opportun de citer ce hadith comme preuve, de Sahih Muslim, de citer ce hadith de Sahih Muslim comme preuve, par rapport au chapitre qui est le chapitre, l'explication de l'unicité et de l'attestation que la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Munasabatu al-hadith lil-bab. أنه من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله وأنه الكفر بكل ما يعبد من دون الله. Le rapport entre le hadith et le chapitre est que le hadith fait partie des preuves qui expliquent le mieux le sens de la ilaha illallah. Et c'est de mécroire en tout ce qui est adoré en dehors d'Allah. ما يستفاد من الحديث من حديث صحيح مسلم. Qu'est-ce qu'on tire ou ce que l'on tire comme bénéfice du hadith ? أولا أن معنى لا إله إلا الله هو الكفر بما يعبد من دون الله من الأصنام والقبور وغيرها. Le premier bénéfice c'est que le sens de la ilaha illallah est de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah parmi les idoles et les tombes et les autres et autres. Deuxième point, أن مجرد التلفظ بلا إله إلا الله مع عدم الكفر بما يعبد من دون الله لا يحرم الدم والمال. ولعرف معناه وعمل به ما لم يضف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. Deuxième point, seulement prononcer la ilaha illallah sans mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah ne protège pas le sang ni les biens, et ce même si l'on connaît le sens et le met en pratique à partir du moment où il n'a pas ajouté à cela le fait de mécroire en ce qui est adoré en dehors d'Allah. C'est-à-dire qu'il faut les deux. Troisième, ثالثا, أن من أتى بالتوحيد والتزم شرائعه ظاهرا وجب الكف عنه حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Vous rappelez, on a parlé, c'était une des règles dans le tekfir de Cheikh Mohamed Mazmoul dans Sharh Nawaq al-Islam. D'accord ? Vous vous souvenez de ça ou pas ? Si vous ne vous souvenez pas, c'est important de revoir, de relire ce genre de PDF. On en a 25 sur le site, avec les 25 audios qui vont avec, et qui sont très importants, surtout en temps de fitan, hein, où les tekfirioun et les haddadiyah, ils sont très actifs sur les réseaux sociaux et autres. Même s'ils se revendiquent de la sunna de manière fausse. Troisième point, quiconque met en pratique et se tient l'unicité et se tient à ses législations de manière apparente, il est obligatoire de s'abstenir à son sujet jusqu'à ce qu'apparaisse ce qui s'oppose à cela. Quatrième point, وجوب الكف عن الكافر إذا دخل في الإسلام ولو في حال القتال حتى يتبين منه ما يخالف ذلك. Quatrième point, l'obligation de s'abstenir au sujet du mécréant s'il entre en islam, et ce même en situation de combat, jusqu'à ce qu'apparaisse de lui ce qui s'oppose à cela. Cinquième, أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفر بما يعبد من دون الله. Il se peut que l'individu dise لا إله إلا الله, mais ne mécroit pas ce qui est adoré en dehors d'Allah. Sixième point, أن الحكم في الدنيا على الظاهر وأما في الآخرة فعلى النيات والمقاصد. Le jugement dans ce bas monde est en fonction de ce qui est apparent. Quant à l'au-delà, cela est en fonction des intentions et des desseins. Un dessein E-I-N-S. Hein. Septième, حُرْمَةُ مَالِ الْمُسْلِمِ وَدَمِهِ إِلَّا بِحَقٍ. L'inviolabilité des biens du musulman et de son sang, sauf par un droit. Et encore, hein, c'est pas à nous de décréter ça, de commencer à prendre la vie, le sang, les biens des gens. ومعنى قول المصنف رحمه الله تعالى وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب أن ما يأتي بعد هذا الباب من الأبواب فيه ما يبين التوحيد ويوضح معنى لا إله إلا الله وبيان أشياء كثيرة من الشرك الأصغر والأكبر وما يوصل إلى ذلك من الغلو والبدع مما يجب تركه من مضمون لا إله إلا الله. Et le sens de la parole de l'auteur qui est quoi? Quelle est sa parole? Et l'explication de ce titre, de chapitre, et dans ce qui est après lui comme chapitre, qu'est-ce que ça veut dire cette parole? Il y a dans ce qui vient comme chapitre, après ce chapitre, ce qui explique l'unicité et clarifie le sens de la ilaha illallah, et la clarification, qu'on va voir inshallah ta'ala, qu'Allah nous facilite la complétion de ce livre et d'autres, et la clarification de beaucoup de choses faisant partie de l'association mineure et de l'association majeure, de ce qui amène à cela en termes d'exagération pardon, et d'innovation religieuse. Et qu'il est obligatoire de délaisser, et cela à partir de ce que comprend l'attestation « La ilaha illallah », l'une n'a droit d'être adoré à part Allah. Avec cela, on a fini le 9e cours du résumé explicatif du livre licité par Cheikh Saleh Al-Fawzan, hafidahullah ta'ala. Vous retrouverez d'ici peu, ce soir ou demain, inshallah, le PDF et l'audio du cours 9. والله أعلم وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك